Je terminerai mon rapide aperçu de l'œuvre oratoire de Bossuet par trois extraits de sa célèbre oraison funèbre prononcée à l'occasion de la mort d'Henriette d'Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, et de ce fait appelée Madame. Premier extrait, Vanitas vanitatum, vanité des vanités. Pendant que la nature nous tient si bas, que peut faire le sort favorable pour nous élever? Cherchez, imaginez parmi les hommes les différences les plus remarquables. Vous n'en trouverez point de mieux marquées, ni qui vous paraissent plus effectives, que celles qui relèvent le victorieux au-dessus des vaincus qu'il voit étendu à ses pieds. Cependant, ce vainqueur, enflé de ses titres, tombera lui-même à son tour entre les mains de la mort. Alors, ces malheureux vaincus rappelleront à leur compagnie leur orgueilleux triomphateur, et du creux de leur tombeau sortira cette voix qui foudroie toutes les grandeurs. Vous voilà blessés comme nous, vous êtes devenus semblables à nous. Que la fortune ne tente donc pas de nous tirer du néant, ni de forcer la bassesse de notre nature.